بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue l'explication du livre Al-Wajiz et Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz. La semaine dernière, on avait traité de plusieurs chapitres. Le premier était que les serments et les serments étaient basés sur l'intention de la personne. Que lorsque quelqu'un jure, eh bien, que son intention était prise en compte. Quelle est la preuve ? Non ? C'est quoi, Allah Azza wa Jalla dit : La yu'akhidhukum Allahu billahwi fi aymanikum, wa la yu'akhidhukum bima 'aqadtum min al-aymān. Naam, c'est pourquoi ça? Naam? C'est une preuve, dans ce verset, il y a la preuve de quoi? Le fait de jurer. Naam? De jurer que comme quoi Niyya est pris en compte. Mais ici, c'est la Niyya, naam. En fait, la question la plus précise, c'est le fait que le serment dépend de l'intention de la personne. C'est-à-dire que même si sa parole contredit ça, son intention, qu'est-ce qui prévaut ? Est-ce que c'est sa parole ou est-ce que c'est son intention ? C'est l'intention. C'est l'intention. C'est là où je demande la preuve. Okay. Quelle est la preuve que quand la parole diffère de l'intention, que c'est l'intention qui prime ? Innama al-a'malu bin-niyyat, que les actes ne valent que par leur intention. Et on avait aussi cité le hadith de Suwayd ibn Hanzala. Quel hadith de Suwayd ibn Hanzala? Naam. Quand ils sont sortis pour aller voir Rasoul Hassan, naam. Il y avait Wa'il ibn Hud. Naam. Et sur la route, ils ont rencontré son ennemi. Naam. Ils l'ont pris. Et Wa'il, non. Suwayd. Naam. Hanzala. Il a juré comme quoi c'était son frère. Il est arrivé chez Rasoul Hassan, il lui a dit, Rasoul a dit. Le frère, le musulman, le frère du musulman. C'est le hadith de Suwayd ibn Hanzala qui, lorsqu'il était parti avec son peuple et accompagné de Wa'il ibn Huj pour aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la route, un des ennemis de Wa'il ibn Huj l'a pris et le peuple a éprouvé de la gêne à jurer, c'est-à-dire à jurer en mentant. Car s'il jurait qu'il faisait partie des leurs, ils ont considéré ça comme un mensonge potentiel, donc ils se sont abstenus. Sauf Suwayd ibn Hanzala qui a dit innahu akhi, qui a juré que c'était son frère, puis son ennemi l'a laissé, et lorsqu'ils sont arrivés chez le professeur Hassan, ils lui ont raconté l'histoire, et le professeur Hassan leur a dit al muslimu akhul muslim, tu as dit vrai, sadaqt. Al-Muslimu, Akhul Muslim. Le musulman est effectivement le frère du musulman. Donc ici, Suwayd ibn Hanzala a dit une parole qui pouvait être comprise de plusieurs façons. Et justement, l'ennemi de Wa'il ibn Hajj l'avait compris comme étant son frère de sang, alors que lui voulait dire son frère de religion. Donc, c'est une preuve que l'intention de la personne qui jure prime sur sa parole. Sauf dans un cas. Non. Quand il y a une offense et quand il y a un désaccord et qu'on te demande de jurer. De jurer pour la chose précise. Non, de jurer que tu n'as pas fait telle ou telle chose. Quand on te demande de jurer pour juger ou pour mettre fin à un désaccord, ou pour savoir le véridique du mensonger, s'il y a un désaccord entre deux personnes et les deux nient, ou l'une atteste, l'autre nie, la vérité est unique. Donc il y a un des deux qui ment. Et le fait que le juge ou qu'une personne qui vient les réconcilier demande à l'un de jurer sur une chose bien précise, là, la ruse ne marche pas. Là, les paroles qu'il prononcera dépendront de l'intention de celui qui lui a demandé de jurer, et non pas de celui qui jure. C'est clair ou pas? Ensuite, on avait dit qu'il n'y avait pas de hinf. Qu'est-ce que le hinf? Qu'est-ce que le hinf? La parjure, non. Donc, c'est le fait de contredire son serment, d'aller à l'encontre de son serment. Et on avait dit que al-hinf, qu'il n'y avait pas de parjure dans un cas d'oubli et dans un cas d'erreur. D'accord? Celui qui a juré de faire une chose et ne l'a pas faite par oubli, ou il ne l'a pas faite par erreur, est-ce qu'il est considéré comme ayant fait un parjure? Non. Et dans ce cas, est-ce qu'il doit donner une kafara? Non. Donc, celui qui a fait une parjure, un hinf, par erreur ou par oubli, et cela n'est pas considéré comme un hinf tout d'abord, et ensuite, donc, cela veut dire qu'il n'y a pas d'expiation à donner. Ensuite, on avait parlé de l'istithna. L'istithna ou fil yamin. Qu'est-ce que l'istithna? À part Bachir. Arfan. Qu'est-ce que l'istithna fil yamin? Le fait de dire Inch'Allah après avoir juré. Non, c'est de poser une condition. De poser une condition. De dire je jure de faire cela. Si Allah le veut, Inch'Allah. Ici, il y a l'istithna. Et quel est le profit ou quel est le bénéfice de faire l'istithna lorsque l'on jure? Non? La chose, c'est si par exemple il ne le fait pas, il n'y a pas de kafara. Non, s'il ne le fait pas, il n'a pas d'expiation. Et Allah lui facilitera faire cette chose. Et Allah lui facilitera la chose sur laquelle il a juré. Il facilitera s'il a juré de faire une chose, qu'il la fera, et s'il a juré de ne pas faire une chose, alors il lui facilitera le fait de ne pas la faire. Et on avait cité le hadith où le professeur Hassan avait raconté l'histoire de Sulayman ibn Daoud alayhi salam. Taïb, ensuite on a vu également le chapitre de celui qui jure, puis après avoir juré, une chose meilleure lui apparaît. Il a juré de faire une chose, mais par la suite, une chose meilleure lui est apparue. Qu'est-ce qui lui est légiféré de faire? La chose meilleure. La chose meilleure, naam. Wa le kafir an al yaminihi. Qu'il fasse cette chose qui est meilleure, mais qu'il donne une expiation suite à son serment. Taïb, on s'est arrêté ici. L'interdiction de persévérer dans le serment. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Donc Allah ne vous sanctionne pas. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني n'utilisez pas le nom d'Allah dans vos sermons. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. Wallahu sami'un alim. On avait vu déjà ce verset, à savoir que certains jurent par le nom d'Allah pour ne pas faire des choses qui sont bien. N'utilisez pas le nom d'Allah pour ne pas faire al-bir, qui est le bien, pour ne pas craindre et pour ne pas séparer ou réconcilier entre les gens. Wallahu sami'un alim. Et Allah est celui qui entend tout et qui voit tout, et qui est connaisseur de toutes choses. قال ابن عباس لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. Donc Abdullah ibn Abbas a expliqué ce verset en disant ne fais pas ou n'utilise pas des serments pour ne pas faire le bien, ne dit pas je jure par Allah que je ne réconcilierai pas entre un tel et un tel. Je jure par Allah que je ne serai pas pieux, ou je jure par Allah que je ne ferai pas telle ou telle adoration. Il ne faut pas faire cela. Et Abdullah ibn Abbas a expliqué ce verset en disant « N'utilise pas les serments pour ne pas faire de bien, mais expie ton serment et fais ce bien. » Lorsque tu as fait un tel serment, tu dois faire le bien que tu t'es juré de ne pas faire et tu dois expier ton serment. Tu dois donner al-kafara. Wa an Abi Hurayrata an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala wallahi لأن يلج أو يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. حديث متفق عليه. Et selon Abu Huraira رضي الله عنه, d'après le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit والله لأن يلج أو يلج, les deux sont autorisés. Je jure par Allah que celui qui fait al-lijaj, et al-lijaj, c'est celui qui jure en étant énervé. C'est le serment en état d'énervement. Celui qui jure en étant énervé, biyaminihi fi ahli, qui jure de... qui jure et qui persiste. C'est le fait de jurer en étant en état d'énervement et de rester sur ses positions. Celui qui jure en restant sur sa position, alors qu'il a juré en défaveur de sa famille. Il a juré sur une chose qui est à la défaveur de sa famille. « Athamu lahu indallah » min an yu'ti kaffaratahu allati farada Allah. Ceci est un péché plus grand chez Allah que de donner l'expiation qu'Allah a ordonné. Qu'est-ce que veut dire ce hadith? Le professeur Hassan veut dire ici que celui qui jure en étant énervé et qui persiste sur son serment de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose vis-à-vis de sa famille qui leur portera préjudice. Le fait de rester et de persister dans cela est plus grave chez Allah que de parjurer et de donner une expiation. Autrement dit, il vaut mieux qu'il donne l'expiation que qu'il persiste sur ce serment. Par exemple, un exemple, celui qui jure, par exemple, qu'il ne fera plus monter sa famille dans sa voiture. Je jure par Allah que toi et les enfants, vous ne monterez plus dans la voiture. C'est fini. Si elle a besoin de faire des courses, elle y va à pied. S'il y a une urgence, il faudra qu'il trouve la voiture de quelqu'un d'autre, mais pas la sienne. Est-ce que c'est quelque chose qui porte préjudice à la famille ou pas? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est interdit en soi? Est-ce que c'est obligé de transporter sa famille en voiture pour aller faire les courses ou pour aller se promener ou autre? Non. Donc il n'a pas fait quelque chose qui est interdit en soi, mais il a fait quelque chose qui va rendre la vie impossible à sa famille. D'accord? Ici, est-ce qu'on dit à cette personne, tant que tu n'as pas juré de faire quelque chose qu'Allah a interdit, tu as le droit de persister et de rester sur ta position, ou bien est-ce qu'on lui dit, reviens sur ton serment et donne une expiation? Ici, le professeur Hassan lui dit de donner l'expiation, de revenir son serment, car de rester et de persister sur ce serment est pire auprès d'Allah que de donner l'expiation. Est-ce que c'est bien de parjurer? Non, c'est pas bien. Mais c'est pire de rester sur un serment qui porte préjudice à ta famille. Est-ce qu'on considère ça comme une obligation? De? Bien sûr, bien sûr. Non, c'est plus qu'une recommandation. Pourquoi? Parce qu'il est entre deux mal. Il fait une chose qui est plus détestée chez Allah. Donc là, il doit, et le prophète m'a dit, on comprend du hadith que c'est une obligation pour lui de revenir sur son serment. Voilà. Non. On comprend aussi dans le hadith que c'est une interdiction de faire le par jour, non? Non, bien sûr. C'est le parjure, c'est un mal en soi. Quand tu jures, tu dois tenir ton serment, sauf quand tu n'en as pas la possibilité, d'accord, ou sauf quand tu as juré de faire une chose interdite. Là, il t'est interdit de la faire, mais tu dois faire al-kafara, d'accord. Et celui qui a juré de ne pas faire une chose et qui l'a fait en fin de compte, il a fait un péché, et justement la preuve que c'est un péché, c'est qu'il doit faire une kafara. Quand l'islam nous demande de faire une kafara, c'est pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose de bien? Non, parce qu'on a fait quelque chose de mal. Donc al-hint en soi, le fait de parjurer, c'est un mal, et c'est pour cela que pour que ce mal soit pardonné auprès d'Allah, il faut qu'il fasse le kafara. C'est clair? طيب الإمام النووي رحمه الله ذكر الحديث رapporté dans Bukhari et Muslim, entre autres dans Muslim. Je sais pas si dans la tabra que vous avez, il rapporte la parole de l'imam Nawawi. Il rapporte. نعم. قال النووي رحمه الله يلج بكسر اللام ويجوز فتحها بعدها جيم من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له الخطأ. دونك الإمام النووي دي يلج أو يعني لأن يلج أو يلج il peut être dit avec اللام مكسورة c'est-à-dire يلج ويجوز فتحها c'est-à-dire يلج qui vient de l'ijaj ou al-lajaj et c'est le fait de persister dans une chose même après que l'erreur a été montrée. وَأَصْلُ الْلِجَاجِ est la base de l'ijage dans la langue arabe. هُوَ الْإِصْرَارُ عَلَى الشَّيْءِ مُطْلَقًا. C'est le fait de rester, de persister sur une chose. ثُمَا قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِي مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا تَتَعَلَّقُ بِأَهْلِهِ بِحَيْثُ يَتَدَرَّرُونَ. Le sens du hadith est que celui qui jure, qui fait un serment en rapport avec sa famille, de telle sorte qu'ils sont atteints par ce serment, que ce serment leur porte atteinte, bi'adami hintihi fi, s'il ne parjure pas, fayambari an yahnat, fayaf'al dhalika shay, wa yukaffir an yamine. Il doit alors parjurer et faire ce qu'il avait juré de ne pas faire, wa yukaffir an yamine, et ensuite qu'il donne une expiation sur son serment. فإن قال لا أحنث بل أتروع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثما من الحنث. في الإمام النووي رحمه الله دين فإن قال s'il dit non je ne parjure pas car j'ai peur de faire ce péché qui est la parjure. الإمام النووي دين فهو مخطئ il a fait alors une erreur. Il a fait une erreur en disant cela, car le fait de persister dans ce genre de serment qui porte atteinte à sa famille est plus grave que de faire le parjure. وَلَا بُدَّ مِنْ تَنْزِيلِهِ عَلَى مَا كَانَ الْحِنْثُ لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ. Et l'imam Nawawi rahimahullah a terminé en disant une phrase très importante, et ce hadith doit être compris, bien sûr, lorsque la parjure lorsque le fait de parjurer ou lorsque la parjure qui sera demandée n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a condition que le fait de l'acte qu'on demande à cet homme ne soit pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si par exemple cet homme a juré par exemple, de... Il dit par exemple, Wallahi, je jure que la télévision ne rentrera plus chez moi. Et sa femme était quelqu'un qui aime beaucoup la télé, etc. Elle a besoin de la télé, elle a la collègue. Est-ce qu'on dit à cet homme, parjure et donne un kafara, ou bien est-ce qu'on lui dit non, reste sur ton serment? Non? On lui dirait sur ton serment. Car selon l'avis de beaucoup de savants, le fait d'avoir une télévision est interdit en islam. Car son mal est plus grand que son bien. Et plus le temps avance, et plus le bien qu'il y a dans la télévision diminue et disparaît. D'accord ? Il y a, alhamdoulilah, à notre époque, beaucoup de choses qui permettent à la personne de se passer de la télévision. De se passer de la télévision. Si ceux qui disent « Oui, mais moi j'ai besoin de la télévision pour être au courant de ce qui se passe dans le monde. » Ne serait-ce que pour regarder les journaux télévisés. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Il y a la radio tout d'abord, mais aussi Internet. Il y a Internet, il y a les sites en ligne des sites de journaux télévisés, etc. La personne peut être au courant de plus de choses que celui qui regarde la télévision. Pareil pour les documentaires, oui, mais dans la télé, des fois, il y a des documentaires qui sont intéressants, etc., etc. Alhamdoulilah, tout cela est présent aussi dans Internet. Tu fais ta recherche sur ton documentaire et puis tu le vois. Donc ici, on dit à cette personne, non, ne parjure pas, car le fait de car ce parjure est une... Cette chose qu'on te demande de faire pour parjurer est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il faut bien comprendre que la personne a le droit et doit parjurer si elle a juré d'une chose qui porte atteinte à sa famille, à condition que cette chose ne soit pas une désobéissance en soi. Voilà. Non. L'homme étant énervé, mais on voit qu'il est énervé. Il y a l'adja, c'est aussi ce sens-là. Il y a plusieurs sens dans l'adja, c'est le fait de persister, mais c'est quelque chose qui a été dit en état d'énervement. Pour cela que les savants, quand ils ont expliqué ce hadith, ils ont dit que celui qui a dit cela dans un état d'énervement qui est tel que la personne ne sait plus ce qu'elle dit, est-ce qu'il doit faire le kafara ? Non. Les savants disent qu'il ne fait pas le kafara, car il était dans un état d'énervement qui a fait en sorte qu'il ne savait plus ce qu'il disait. Comme l'a dit le professeur Assalam, la talaq a fi irlaq. Point de divorce en état de fermeture, si on traduit textuellement. Et à l'irlaq, les savants ont dit que c'était l'énervement. Pourquoi ? Parce que la personne, ou certaines personnes, elles sont tellement énervées que leur raison est recouverte. Qu'ils perdent la raison et ils sont des fois amenés à divorcer leur femme dans cet état-là. Et le professeur Hassan m'a dit « La talaqa fi irlaq » dans des cas comme celui-ci, où la personne est tellement énervée qu'elle ne sait plus ce qu'elle dit et durant ou pendant cet état, elle a divorcé de sa femme, ici le divorce n'est pas considéré comme valide. Il n'est pas considéré comme valide. Oui. Kafaratul Yamin. Ensuite, l'auteur parle du chapitre de l'expiation des serments. Man hanatha fi yaminihi fa kafaratuhu ihda hadhihi al-khisal. Celui qui a parjuré dans son serment, alors son expiation est l'une de ces différentes choses, ou l'une des choses suivantes. Awwalan it'amu 'ashrati masakin. من أوسط ما تطعمون أهليكم ثانيا أو كسوتهم ثالثا أو تحرير رقبة فمن عجز عن هذه الخصال فكفارته صيام ثلاثة أيام ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على إحدى الخصال الثلاثة السابقة قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Les choses suivantes sont, premièrement, nourrir 10 pauvres. من أوسط ma tut'imuna ahlikum. C'est-à-dire de nourrir 10 pauvres de la même façon ou de la façon médiane par laquelle vous nourrissez votre famille. Autrement dit, tu dois prendre l'équivalence de la nourriture que tu donnes à ta famille, que tu as l'habitude d'acheter à ta famille, ni tu ne dois pas prendre la nourriture que tu achètes de temps en temps pour faire plaisir, avec un surplus, ni la nourriture que tu achètes quand tu es en manque de ressources, mais la nourriture médiane, le juste milieu. Et les savants disent que al-it'am se fait soit en donnant un déjeuner ou bien un dîner. Soit un déjeuner, soit un dîner. Tu dois nourrir 10 pauvres de façon comme tu nourris ta famille. Soit tu leur donnes un déjeuner, ou soit tu leur donnes un déjeuner, ou soit un dîner. Et tu as le droit de nourrir 10 pauvres en même temps, comme tu as le droit de nourrir 10 pauvres de séparément. D'accord ? Et tu n'es pas obligé de les nourrir le même jour. Tu as le droit de les nourrir 10 jours d'affilée, par exemple. Et d'autres savants ont dit que tu as le droit de nourrir selon ce qui est selon le ouf. Par exemple, le fait de donner, on va dire un exemple, un grec, par exemple. Tu achètes un grec avec ses frites et sa canette. Est-ce que c'est considéré comme un déjeuner chez nous? Est-ce que c'est considéré comme un dîner? Tu vois 10 pauvres, tu leur achètes un grec chacun. Alhamdulillah, tu as fait ta kafara. Avec les halles, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut leur donner soit un dîner, soit un déjeuner. Car certains croient qu'il faut les nourrir toute la journée. Leur donner la totale, le petit déjeuner, plus le dîner, plus le déjeuner. Non. Un repas, c'est-à-dire soit le repas du midi, soit le repas du soir. Ah, ok, soit tout. Non. Bonne question. Allah a'lam. Faudrait que je vois, Inch'Allah. Aouki swatuhum. Ou bien de les vêtir. Ou bien de les vêtir. Et là, il y a beaucoup d'avis des savants. Certains ont dit, tu dois le vêtir, des vêtements qui rendent valide la prière. C'est-à-dire que tu dois leur donner le minimum de vêtements qui permet à une prière d'être valide. D'autres savants ont dit non. Allah Azza wa Jal atlaq. Allah Azza wa Jal a dit de les vêtir, n'a pas dit comment. Donc, cela revient à ouf. Cela revient à ce qui est connu chez les gens comme étant des vêtements. D'accord ? Chez certaines personnes, le fait d'acheter un turban, par exemple, ça peut être vêtir. Chez d'autres personnes, c'est un qamis plus un pantalon, par exemple. Chez d'autres personnes, c'est le qamis uniquement. Le pantalon, c'est optionnel, on va dire. C'est facultatif. Du moment que la personne a un qamis, ça lui couvre sa aura, donc cela est considéré comme étant vêtir. Là, il faut revenir au urf de la personne. Ou bien d'affranchir un esclave. Non. نعم في ترديب وغنى فمن عجز في الترديب et celui qui n'a pas la possibilité de ne faire aucun des points cités, à savoir celui qui ne peut ni nourrir 10 pauvres, ni les vêtir, ni affranchir un esclave, alors son expiation sera de jeûner 3 jours. Et il est interdit et n'est pas autorisé de jeûner 3 jours en ayant la possibilité de faire l'un des 3 points cités précédemment. C'est-à-dire que celui qui a la possibilité de nourrir 10 pauvres, est-ce qu'il a le droit de jeûner 3 jours? Non. Celui qui a la possibilité de vêtir 10 pauvres, est-ce qu'il a le droit de jeûner 3 jours? Non. Et celui qui a la possibilité d'affranchir un esclave, est-ce qu'il a le droit de jeûner 3 jours? Non plus. Donc, le fait de jeûner vient et entre en compte seulement et seulement si les trois choses citées précédemment ne sont pas faisables. La preuve est la parole d'Allah Azzawajal, Allah ne vous sanctionne pas pour la futilité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman. Fakaffaratuhu, l'expiation en sera de nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez vos familles, ou les habiller, ou de libérer un esclave. Puis Allah Azza wa Jalla dit: Faman lam yajid, quiconque ne trouve pas les moyens devra alors jeûner 3 jours. Voilà l'expiation de vos serments. Dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum. C'est ceci l'expiation que vous devez donner lorsque vous avez juré. طيب الحلف بالحرام. نعم. Et pour celui qui savait pas, il a donné. Est-ce qu'il doit refaire son explication? Allah a'lam, la adri. نعم. Est-ce qu'il y a un temps dans lequel on doit faire ça pour le plus vite possible? Il y a des choses comme ça. Quand c'est le kafara, c'est, après ce sera considéré comme une dette. Ce sera considéré comme une dette, et on le verra par la suite que celui qui meurt et qui n'a pas fait son qada, comme qui n'a pas fait ce qu'il avait juré de faire, ou qui n'a pas donné son expiation, ce sera à la charge de sa famille. D'accord ? C'est comme les dettes. Celui qui n'a pas pu rembourser ses dettes, qui devra le faire ? Sa famille. Voilà. Pour celui qui est vraiment à terme, il donne par exemple de l'argent, et qui voit un gars, ma femme, on va dire qu'un gars c'est 5 euros. Non. Il donne à la personne. Non, les serments disent non. Et'am, c'est comme zakat al-fitr. Tu'matan les masakin. Le prophète m'a dit c'est une nourriture pour les pauvres. Donc tu dois le donner en nourriture et tu ne dois pas donner l'équivalent en argent de 10 repas. Non. Car, qui te dit que cette personne va acheter un repas? Qui te dit que cette personne va acheter un repas? Peut-être qu'elle va acheter une chaussure, qu'elle va acheter autre chose qui n'est ni de la nourriture, ni des vêtements. Et Allah Azza wa Jal dit, soit de nourrir, soit de vêtir. Ou bien, tu as le droit de donner de l'argent à quelqu'un à qui tu confies cette tâche. Tu dis, voilà, je te donne cet argent, avec cet argent tu vas acheter de la nourriture pour 10 pauvres et tu leur donnes. Là c'est autorisé, car au final ce qui va être donné ce sera de la nourriture, et c'est ta condition. Le mieux c'est que tu le fasses toi-même, le mieux c'est que tu le fasses toi-même, que tu prends en charge toi-même le fait de nourrir et d'acheter la nourriture, mais tu as le droit de léguer quelqu'un pour le faire. Mais en aucun cas, de voir un pauvre et de lui donner l'équivalent d'un grec, par exemple, de lui donner 5 euros ou 6 euros, voilà, j'ai fait ma kafara. Non. Alors, Azza wa Jalla dit, it'am. Alors, Azza wa Jalla dit, it'am. Et le fait de nourrir, c'est pas le fait de donner de l'argent. Le fait de donner de l'argent, ça vient dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, dans d'autres chapitres et d'autres recommandations de la religion, où tu as le droit, et des fois tu es obligé de donner de l'argent, comme un zakat, ou bien de faire un nafaqa, un mutlaqa, ou de faire une aumône surérogatoire. Là, tu as le droit de donner de l'argent. D'accord ? Donc chaque chose est définie par la religion, et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il décrit une chose de façon précise, il faut faire cette chose comme Allah Azza wa Jal et comme son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'ont décrite. Non. Dans les ordres, il faut respecter l'ordre. Il faut d'abord... Non. Il faut respecter l'ordre. Soit de nourrir, si tu peux pas, de vêtir, si tu peux pas, de faire le kafar, de faire le de libérer un esclave, de libérer un esclave. Non. Et c'est pas 3 jours consécutifs apparemment. Non, c'est pas 3 jours consécutifs. Le fait de jeûner, dans le verset, il n'y a pas été dit que c'était 3 jours consécutifs. Comme celui qui a tué par erreur, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Il doit jeûner 2 mois consécutifs. Et si, par exemple, il n'a pas jeûné le dernier jour des 2 mois, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recommencer. Et 2 mois consécutifs. Et ça, c'est Al-Kafaratu Al-Kubra. Et c'est notamment la kafara de al-zihar, de celui qui dit à sa femme, tu es interdite pour moi comme ma mère, ou ton dos est pour moi comme le dos de ma mère. Ici, c'est kafarat al-zihar, et là, c'est de la kafara, l'expiation d'une telle parole, c'est quoi? C'est de jeûner 2 mois consécutifs. Si tu ne peux pas, si tu peux pas libérer un esclave, si tu ne peux pas, et'amu sittina miskina, ou bien de, si tu ne peux pas de nourrir 60 pauvres. Donc c'est de jeûner 2 mois consécutifs. Si tu ne peux pas de libérer un esclave, si tu ne peux pas de jeûner, de nourrir 60 pauvres. طيب الحلف بالحرام, le fait de jurer en disant, de jurer par l'interdiction, de jurer pour s'interdire, non. Le fait de jurer pour s'interdire. ومن قال طعامي علي حرام او دخول دار فلان علي حرام ونحو ذلك لم يحرم وعليه إن فعل كفارة اليمين كفارة يمين. قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. عن ابن عباس وعن ابن عباس قال في الحرام يكفر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Donc celui qui dit « ma nourriture est interdite pour moi » ou bien lorsqu'il dit « de rentrer dans la maison d'un tel est interdit pour moi » ou toute autre chose similaire, cela n'est pas interdit. Et s'il le fait, il doit donner l'expiation du serment. Donc celui qui dit « la nourriture que j'achète m'est interdite » ou le fait de rentrer chez un tel, je me l'interdis à moi, ou je m'interdis de faire telle ou telle chose qui sont licites, est-ce que cela est pris en compte? Est-ce que cela est pris en compte? Non. Cela n'est pas pris en compte. Cela n'est pas pris en compte. L'homme yahrum. Mais s'il le fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Kafara. Ça veut dire que c'est faux? Ouais. Non. لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين. S'il le dit, il n'est pas pris en compte. S'il le dit, c'est pas pris en compte. Mais s'il le fait, il doit faire al-kafara. Il dit par exemple, cette nourriture est interdite pour moi. Pas interdite. Est-ce qu'elle est interdite? Non, il achète que des choses halal. Est-ce qu'on va dire que ces choses sont interdites pour lui parce qu'il a dit qu'elles étaient interdites pour lui? Là, il n'a pas dit je ne mangerai pas ce que j'achète. Il y a une différence entre je prends l'engagement de ne pas acheter ce que j'achète et le fait de dire ce que j'achète est interdit pour moi. Là, il a utilisé le terme haram. Là, il a utilisé le terme haram et ceci n'est pas considéré comme étant interdit pour lui. Et s'il le fait, malgré que ce ne soit pas interdit, qu'est-ce qu'il doit faire? Al-Kafara, pourquoi? Car il se l'est interdit. Vous avez compris? La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé? Tabtari mardat azwajik, en voulant satisfaire tes épouses. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est le clément et le tout miséricordieux. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّ تَأَيْمَانِكُمْ. Allah vous a ordonné de vous libérer de vos serments. Donc ici Allah Azza wa Jal s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le réprimander mais de façon douce. Et Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé en voulant satisfaire tes épouses? Allah est le clément, le tout miséricordieux. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. Qu'est-ce que تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ? Libérez-vous de vos serments. Les savants disent qu'il y a une différence entre Al-Kafara et Al-Tahilla. Al-Tahilla, c'est le fait de donner une expiation entre le moment où tu as fait le serment avant que tu ne parjures. Et Al-Kafara, on parle de Kafara lorsque tu donnes une expiation après avoir parjuré. Vous avez compris ou pas? Par exemple, je jure de ne pas rentrer chez un tel. D'accord? Je jure de ne pas rentrer chez un tel. Et puis le lendemain, tu dis: non, astaghfirullah, c'est pas bien ce que j'ai fait, je vais donner une kafara pour mon serment. Ici, est-ce qu'on appelle ça une kafara ou est-ce qu'on appelle ça une tahilla? Une tahilla, pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore rentré chez la personne. Mais il veut donner une kafara pour se libérer de son serment. Mais si il est rentré chez cette personne après avoir juré, ici il doit donner al-kafara, il doit donner une expiation, mais elle n'est plus appelée tahilla, elle est appelée kafara. Pourquoi? Car il expie après avoir parjuré. Et tahilla, c'est le fait de donner une expiation avant d'avoir parjuré. L'expression, c'est la même. Sauf qu'il y en a une qui est appelée tahilla. Pourquoi l'appeler tahilla? Parce que ça vient de al-hal. يعني كانه يحل العقد. Comme si il défaisait le nœud qu'il a fait. Parce qu'en fait, quand tu fais un serment, tu contractes un pacte. Comme si tu faisais un nœud. Et tahilla, c'est le fait de dénouer ce nœud avant de parjurer. Et Al-Kafara, c'est l'expiation qui te permet de réparer le parjure que tu as fait. Vous avez compris? طيب, quel est le sabab nuzul hadith al-aya? Pourquoi est-ce que ce verset a été révélé et qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a voulu dire en disant: ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé? Non. Non, c'est parce que le prophète a assassiné, il voulait avoir des rapports avec ses esclaves. Non. Et ses femmes ne voulaient pas. Non. À quel point il y a plusieurs explications, mais al-rajih, la plus authentique, et celle qui est rapportée dans le Sahihain, c'est le hadith qui vient juste en dessous. C'est le hadith qui vient juste en dessous, et que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui disant: pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé? C'est-à-dire le miel. C'est-à-dire le miel. La preuve, c'est le hadith de Aisha radhiallahu anha, qui est rapporté dans le Bukhari. Elle a dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait du miel chez Zainab bint Jahsh. Et il restait chez elle. Et cette parole de Aïcha radhiallahu anha, elle est expliquée dans d'autres hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim, qui explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'aller chez ses femmes quand? De rendre visite à ses femmes après l'Asr. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'Asr, rendait visite à chacune de ses femmes. Mais il dormait chez laquelle? Celle qui, à qui c'était son tour. Et celles qui avaient, à qui son tour était arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait chez elle et dormait chez elle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'Asr, faisait le tour des maisons de ses épouses. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté, quand il est rentré dans la maison de Zaynab bint Jahsh, ce n'était pas son tour, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté longtemps chez elle. D'accord ? Et Aïcha, il y avait une certaine concurrence entre les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup de hadiths le prouvent, il y avait une certaine concurrence entre les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines même utilisaient la ruse. Ce n'était pas méchant, mais elles utilisaient la ruse pour attirer l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste plus longtemps chez elles. Et elles utilisaient tous les moyens qui étaient en leur possibilité. Et Zaynab bint Jahsh, on lui avait offert du miel, et elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le miel. Donc, elle a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam du miel, elle savait qu'il aimait, mais son but c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste le plus longtemps chez elle, car elle aimait être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Zaynab bint Jahsh. Pourquoi ? Les savants disent que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de Zaynab bint Jahsh était juste en dessous de Aïcha. En ne prenant pas compte la divergence qu'il y a entre les savants, à savoir laquelle des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus aimée chez lui, était-ce Khadija ou était-ce Aïcha ? Et les savants ont dit pourquoi ? Car qui a marié Zaynab au prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Zaynab bint Jahsh. Et parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il pouvait se marier sans témoin et sans wali. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait se marier à une femme sans l'accord de son tuteur et sans la présence de deux témoins. Et Zaynab bint Jahsh disait aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous, ce sont vos familles et vos tuteurs qui vous ont marié, quant à moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radhiyallahu anha dit fawata'tu ana wa Hafsa. Et moi et Hafsa, nous nous sommes mis d'accord. Elles ont fait un mini complot. Nous nous sommes mis d'accord que la première chez qui entrera le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle lui dise « As-tu mangé al-maghafir ?» Et al-maghafir, c'est une plante qui était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une odeur qui n'était pas agréable. Et comme l'odeur de l'oignon, comme l'odeur de l'ail, c'était une plante qui, lorsqu'elle était consommée, la personne émanait une mauvaise odeur. Et Aïcha radhiyallahu anha et Hafsa se sont mis d'accord sur le fait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrera chez l'une d'elles, qu'elle lui dise « A'akelta maghafir ? As-tu mangé le maghafir ?» Pourquoi est-ce qu'elles ont dit ça ? Car dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas sentir mauvais. Une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas, c'était sentir mauvais. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup le parfum. Et le fait que l'une de ses femmes lui dise « As-tu mangé le maghafir ?» ça veut dire qu'il y a une odeur qui n'est pas bonne. Est-ce que tu as mangé telle plante ? D'accord ? « Inni ajidu minka riha maghafir » Et les femmes, Aïcha et Hafsa, est-ce qu'elles ont menti en disant ça ? Est-ce qu'elles ont dit, dans le hadith, akalta maghafir, c'est une question. As-tu mangé maghafir ? C'est pas, tu as mangé, tu sens pas bon. Est-ce que tu as mangé maghafir ? Et le prophète a dit, la, walakinni kuntu ashrabu asalan inda Zaynab bint Jahsh. Non, mais j'ai mangé du miel chez Zaynab bint Jahsh. Falan a'ouda lahu. Et je n'en mangerai plus. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que le prophète Sam, ses femmes lui ont fait croire que c'était le miel que Zainab lui avait donné qui faisait en sorte qu'il y avait une mauvaise odeur, alors qu'il n'y a pas de mauvaise odeur. Mais le but, c'était quoi? C'était que le prophète Sam ne mange plus de miel chez Aïcha et donc chez Zainab bint Jahsh, et donc qu'il ne reste plus longtemps chez elle. Et dans d'autres hadiths, il y a d'autres femmes qui ont dit cela. Il y en a même une qui a dit, en parlant du professeur Sallam, le pauvre, nous avons fait en sorte qu'il ne mange plus quelque chose qu'il aime bien, mskin. En gros, ça voulait dire ça. Le pauvre, nous l'avons privé de quelque chose qui... quelque chose qu'il aime, à savoir le miel. Alors que, en fin de compte, le miel, quand tu le manges, il n'y a pas de mauvaise odeur qui émane de toi. وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا. Et Aïcha a juré, ou le professeur Sam lui a fait jurer de n'informer personne. C'est-à-dire de n'informer personne de la parole qu'a dit le professeur, à savoir qu'il ne mangerait plus le miel chez Zainab bint Jahsh. Car si cela arrivait aux oreilles de Zainab, elle le prendrait mal. Le prophète Sam a pris l'engagement de ne plus manger du miel chez moi. Pourquoi? Quelle est la raison? Donc le prophète Sam a considéré ça comme un secret entre lui et Aïcha radhiyallahu anha. Donc c'est l'explication de ce verset. Et ensuite Allah Azza wa Jal s'est adressé au prophète Sam en disant: pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé en voulant satisfaire tes épouses? En voulant satisfaire tes épouses. Et le prophète sallam a dit: فَلَنْ أَعُودَ لَهُ. C'est-à-dire, je n'y retournerai pas, ou je ne recommencerai pas. C'est-à-dire de manger du miel. Et les savants ont dit que, ici, le prophète sallam s'est interdit quelque chose. Le prophète sallam s'est interdit quelque chose, et cela est comparable à un vœu. Comme celui qui a fait le vœu de ne pas faire quelque chose ou de faire telle ou telle chose. Et les savants disent que le fait de s'interdire quelque chose suffit à ce que ce soit un vœu, sans prononcer la formule du vœu. Et le fait de dire: je m'oblige à prier 10 rak'at le soir, par exemple. Est-ce que cela est un vœu ou pas? Est-ce que c'est considéré comme un vœu? Oui. Je m'oblige, je ne peux pas dire. Non. Un vœu, c'est quand tu dis à Allah Azza wa Jal, ouais, si tu me donnes ça, je ferai ça. Non, ça c'est une catégorie de vœux. Il y a plusieurs sortes de vœux. On va voir ça par la suite. Mais le fait de dire si Allah me donne ça, alors je ferai ça, ça c'est, les savants disent, wa an-nadru al-mu'allaq. C'est le vœu qui est conditionné. Mais il y a aussi an-nadru al-mutlaq, de dire لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرُونَ أَنْ أَصُومَ ثَلَدَةَ أَيَّمْ. Je prends le vœu, ou je fais le vœu auprès d'Allah de jeûner 3 jours, mais sans poser de conditions. Ici, ces 3 jours deviennent obligatoires. D'accord? Donc, le fait de s'obliger quelque chose est considéré comme un vœu, même si la formule du vœu n'est pas prononcée. Même si tu n'as pas dit le mot vœu. À partir du moment où tu t'obliges quelque chose qui à la base ne l'est pas, ou que tu t'interdis quelque chose qui à la base ne l'est pas, c'est considéré comme un vœu, même si tu n'utilises pas la formule bien précise. Non? Allez, si tu n'as fait neuf, je n'ai pas encore vu cette masala. Alors là, vous posez des questions, on n'a jamais entendu. Allah alam. Wa an ibn Abbas, et selon Abdullah ibn Abbas, il dit: dans les choses que la personne s'interdit, il doit faire l'expiation. Et ensuite, il a cité la parole d'Allah Azza wa Jal. Et vous avez dans le prophète, dans l'envoyé d'Allah, le meilleur des exemples. Cette parole d'Abdullah ibn Abbas, il l'a dite lorsque quelqu'un jure que sa femme lui est interdite. Est-ce que c'est considéré comme un talaq ou pas? Tu dis à ta femme, je jure que tu m'es interdite. S'il est énervé. Non, parce que là, il rentre dans le khalf de haram. Naam, ici les savants disent que c'est un yamin, c'est pas un talaq. Le fait de dire je jure que tu m'es interdite, ici les savants disent que c'est un serment, ce n'est pas un divorce. D'accord? Il y a une divergence des savants, certains savants disent que c'est un divorce. D'autres savants ont dit non, ce n'est pas un divorce, c'est un serment. Et il doit faire l'expiation de ce serment. Il doit faire l'expiation de ce serment, sauf quand il dit tu m'es interdite comme ma mère. Ou tu m'es interdite comme le dos de ma mère. Ici, on rentre dans al-zihar. Là, c'est plus un yamin, c'est un zihar. Et là, la kafara, l'expiation, est la plus grande en islam, qui, comme je l'ai dit, soit de jeûner 2 mois consécutifs, ou bien d'affranchir un esclave, ou bien de nourrir 60 pauvres. Taïb al-nudhur, le vœu, ou les vœux. Ta'rifuha al-nudhur jam'u nadhrin. وأصله الإنذار بمعنى التخويف وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. La définition. النذور, c'est-à-dire les vœux, c'est le pluriel de nadr, c'est le pluriel de vœux. Et la base en arabe du terme nadr qui vient de al-inzar بمعنى التخويف. Al-inzar, c'est qui a le sens de faire peur. Qui a le sens de faire peur. Le prophète sallam était Bachir et Nazir. Bachir, celui qui annonce la bonne nouvelle, et Nazir, celui qui met en garde contre le châtiment. Celui qui met en garde contre le châtiment. Et lorsque tu mets quelqu'un en garde contre un châtiment, c'est pourquoi ? Pour le faire peur. وَعَرَفَهُ, donc ça c'est la définition linguistique, et en islam, وَعَرَفَهُ الرَّاغِبُ, الرَّاغِبُ qui est الرَّاغِبُ الْأَصْبَهَانِ, الرَّاغِبُ الْأَصْبَهَانِ, qui a écrit un livre appelé مُفْرَدَاتْ غَرِبِ الْقُرْآنِ. C'est un livre dans lequel il explique les différents mots du Coran. Il a expliqué le terme nadr, le terme hajj, le terme shirk, le terme tawhid, le terme etc. Tous les termes qui sont dans le Coran, il leur donne une définition. C'est comme une sorte de dictionnaire, du dictionnaire du Coran. Et il a donné la définition de an-nadr, car an-nadr est cité plusieurs fois dans le Coran. Yufuna bin nadri, ils complètent ou ils remplissent leurs vœux. Ar-Raghib a donné la définition. C'est-à-dire, c'est le fait de s'obliger quelque chose qui n'est pas obligatoire, les hudouth et amr, suite à l'apparition d'un événement. Suite à l'apparition d'un événement. Mashru'iyatuha. Le fait que un nadr est légiféré ou non. Qala ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allah ya'lamu. Quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Allah en est connaisseur. Wa qala ta'ala thumma liqdu thafatahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil bayt al atiq. Allah azza wa jalla dit dans sourate al-Hajj, puis qu'ils mettent fin à leur interdit. Ça veut dire quoi qu'ils mettent fin à leur interdit? Non, car ils étaient en ihram. Et qu'ils mettent fin à leur interdit, c'est-à-dire qu'ils mettent fin à leur état de sacralisation. D'accord? Et cela, c'est en faisant les choses qui sont interdites en état d'ihram, comme de se couper les cheveux, de se couper les ongles, etc. وَلْيُوفُوا نُذُرَهُمْ, et qu'ils remplissent leurs vœux. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'ils tournent et qu'ils fassent les tournées autour de la maison ancestrale. وقد مدح الله الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Et Allah عز وجل a fait l'éloge de ceux qui accomplissent leurs vœux Et il a dit, ils accomplissent leurs vœux et craignent un jour dont le mal sera répandu. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه أن يعصيه فلا يعصيه. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Et selon Aïcha رضي الله عنها, elle dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, et celui qui a fait le vœu de désobéir, de lui désobéir, qu'il ne lui désobéisse pas. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et autres. Donc dans ce hadith de Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Celui qui a fait le vœu, est-ce que ça englobe le musulman et le non-musulman ou que le musulman? Même le non-musulman. Et la preuve, c'est que Omar ibn Khattab, n'avait-il pas fait un vœu, avant qu'il ne soit musulman, de faire une retraite spirituelle d'une nuit à la mosquée de la Mecque? Oui ou non? Vous connaissez pas ce hadith? On l'a vu dans Bab al-Hajj. Et le professeur Hassan lui a dit « Aoufi bin Adri ». Le professeur Hassan lui a dit, accomplis ton vœu, alors qu'il l'avait fait avant l'islam, avant qu'il ne soit musulman. Donc celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Qu'il lui obéisse. Et ceci, que cette chose qu'il a fait le vœu de faire soit obligatoire ou non. S'il a fait le vœu de faire quelque chose qui en soi est surérogatoire. Car certains savants ont dit que celui qui a fait le vœu de faire quelque chose qui est surérogatoire, il lui est surérogatoire d'accomplir son vœu. Quant à celui qui a fait le vœu de faire quelque chose qui en soi est obligatoire, alors il lui est obligatoire d'accomplir son vœu. Mais le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredit cette parole, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de façon générale que celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, alors qu'il lui obéisse, que cette obéissance soit à la base une chose surérogatoire ou une chose obligatoire. Celui qui a dit je fais le vœu de prier par exemple de faire un rawatib, je fais le vœu de faire un rawatib pendant 3 jours, d'accord, un rawatib qui sont de 12 rak'at, est-ce qu'elles sont obligatoires ou pas? Non. Elles sont fortement recommandées, mais elles ne sont pas obligatoires. Celui qui a fait le vœu de les faire pendant 3 jours, elles deviennent pour lui obligatoires. Quant à celui qui a fait le vœu de lui désobéir, alors qu'il ne lui désobéisse pas. Quant à celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah, il ne doit pas lui désobéir. Il ne doit pas lui désobéir, et on verra par la suite qu'il devra donner une expiation. Qu'il devra donner une expiation. Taïb, et celui qui a fait le vœu de faire quelque chose de détestable, mais non pas d'interdit, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Tu fais ou tu fais pas? Quelle est la définition de le makro, du détestable? Hein? Si tu le délaisses, t'as des hasanat. Si tu le délaisses, tu es récompensé. Si tu le fais, t'as pas péché. Mais si tu le fais, tu n'as pas fait de péché. Et les savants disent « Al-karaha la tanfi al-jawaz » que le caractère détestable d'un acte ne rejette pas son autorisation ou ne renie pas son autorisation. Donc tu peux faire des choses qui sont autorisées mais qui en même temps sont détestables. C'est-à-dire que le mieux pour toi c'est de ne pas les faire, mais même si tu les fais, tu n'as pas commis de péché. Et celui qui a fait le vœu de faire quelque chose de détestable, il doit accomplir son vœu, car il n'entre pas dans ce hadith où le prophète a dit celui qui a fait le vœu de lui désobéir, car de faire quelque chose de détestable n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant le nadr, concernant le vœu, une divergence des savants, à savoir quel est le jugement du vœu. Est-ce quelque chose qui est recommandé? Est-ce quelque chose qui est détestable? Est-ce quelque chose qui est interdit? Et une divergence des savants, la plupart des savants considèrent ou séparent entre le vœu général et le vœu conditionné. Ils disent le vœu général, yani, le fait de dire je fais le vœu à Allah de jeûner 3 jours. Ici, la plupart des savants disent que c'est autorisé. Ils disent que c'est autorisé. Et ensuite, ils ont donné l'exemple du vœu conditionné. Si Allah me donne telle ou telle chose, alors je jeûnerai 3 jours. Là, la plupart des savants disent ceci est déconseillé. Et makruh, pourquoi? Car il y a le hadith du prophète sallam, que ce genre de vœu ne provient ou n'émane que de l'avare, celui qui donne que quand on lui donne. Et celui qui donne que quand on lui donne, celui qui donne que quand il a un retour. Mais il ne va pas faire quelque chose de son propre chef. Et d'autres savants, comme Cheikh Al-Islam Taymiyyah, ont dit non, tous les vœux sont interdits. Tous les vœux sont interdits. Et c'est un avis qui est très fort. Vous avez le choix de choisir, mais l'avis qui est interdit est un avis très fort. Pourquoi? Car ils disent que il y a la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, وَاقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ مَعَكَ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ. Allah Azza wa Jalla dit, ils jurent, وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ, ils ont juré par Allah, لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ, si tu les ordonnes, si tu leur ordonnes, ils sortiront, c'est-à-dire au combat. Et ici Allah Azza wa Jalla parle des munafiqin. Et Allah Azza wa Jalla dit, قُلْ, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ, ne jurez pas, car c'est une obéissance qui est connue. Et les savants ont expliqué cette parole d'Allah Azza wa Jal, ne jurez pas, c'est-à-dire ne faites pas ce vœu. D'accord? De dire que si tu nous avais ordonné, on serait sorti au combat. Nous, on n'est pas parti combattre parce que tu ne nous l'as pas ordonné. Et Allah Azza wa Jal a dit au professeur Assalam, dit, la tuqsimu, ne jurez pas, ta'atum ma'rufa. C'est une obéissance qui est connue. Il y a 2 explications. La première, c'est que c'est une obéissance qui est connue, c'est-à-dire que ce n'est que de la parole. Il n'y aura pas d'acte derrière. Même si vous le dites, que vous le suivrez, s'il vous l'ordonne, au final, vous ne le suivrez pas. Car vous êtes des hypocrites, et les hypocrites disent ce qu'ils ne pensent pas. Et d'autres savants ont dit, ta'atum ma'rufa, c'est-à-dire, ne jurez pas, car d'obéir au prophète sans jurer est mieux que de lui obéir en jurant. Et ils ont aussi utilisé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le vœu la ya'ti bi khayr n'apporte pas de bien, que le vœu n'apporte pas de bien et qu'il provient de l'bakhil et qu'il provient de l'avare. Et ils ont répondu au verset d'Allah Azza wa Jalla, yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Quand on leur a dit, mais Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de ceux qui ont accompli leurs vœux, le verset qu'on a cité, ils accomplissent leurs vœux et ils ont peur d'un jour dont le mal sera répandu. Ils ont répondu en disant qu'il y a une différence entre contracter un vœu et le mettre en pratique. Il y a une différence entre contracter un vœu et le mettre en pratique. Ce qui est interdit chez eux, c'est le fait de contracter un vœu. C'est d'être amené à faire un vœu. Et Il est obligatoire pour celui qui a contracté un vœu, même si pour eux le fait de contracter un vœu est interdit, de l'accomplir. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Vous n'avez pas compris? Alors Azza wa Jalla a dit, a fait l'éloge de ceux qui accomplissent leurs vœux. Est-ce qu'il a fait l'éloge de ceux qui ont fait les vœux? Non. Alors Azza wa Jalla, yufuna bin nadi, ils accomplissent leurs vœux. Et ils ont répondu au verset, Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Toutes les dépenses que vous avez dépensées et tous les vœux que vous avez faits, Allah le sait. Mais dans ce verset, est-ce que Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge du vœu? Est-ce qu'il a fait l'éloge du vœu? Non. Il a dit qu'il le sait. Il n'a pas dit que c'était quelque chose de bien. D'accord? Donc ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. C'est l'avis qu'a suivi Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Et la plupart des savants considèrent que, comme je l'ai dit, le vœu mutlaq est autorisé et celui qui est conditionné est déconseillé. Pourquoi? Car tu le fais parce que tu attends en retour. L'interdiction du vœu conditionné. An Abdillah ibn Umar قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. وعن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. حديث متفق عليه. Selon Abdullah ibn Umar, il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit un nadr, a interdit le vœu. Et il a dit لا يرد شيئا. Le vœu ne repousse rien. Ça veut dire quoi, le vœu ne repousse rien? C'est-à-dire il ne repousse pas le destin et ce qui t'a été destiné. Car certains vont faire le vœu conditionné en espérant que ce vœu, en pensant que ce vœu va avoir une influence. Par exemple, là c'est la période des examens, beaucoup vont dire, si Allah fait en sorte que j'ai mon examen, je fais toutes les vacances, je vais apprendre le Baqara par exemple. Et il pense qu'en faisant ce vœu, eh bien, cela va faciliter le fait qu'il va réussir son examen. Et alors, le professeur Hassan m'a dit, « Innahu la yaruddu shay'a. » Le vœu, il ne repousse rien du tout. Il ne repousse pas un malheur, ni ne repousse un bien. Il n'a aucune influence sur le destin. Contrairement à du'a. Le professeur Hassan m'a dit, « La yaruddu al-qadara illa du'a. » Que la seule chose qui puisse repousser le destin ou la chose prédestinée, c'est la vocation. Mais il sort, c'est-à-dire qu'il provient, c'est-à-dire ce vœu de l'avare. Et selon Saïd ibn al-Harith, qu'il a entendu Ibn Umar radiallahu anhu dire, n'ont-ils pas été, ou ne leur a-t-il pas été interdit de faire le vœu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le vœu n'avance rien et ne recule rien. Le vœu n'avance rien et ne recule rien. C'est-à-dire qu'il n'a aucune influence sur le destin. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ. Mais le vœu provient de celui qui est avare. Hadith al-Muttafaqun alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. متى يصح ومتى لا يصح. إن شاء الله on va terminer le chapitre de Nudhur. Quand est-ce que le vœu est valide, quand est-ce qu'il ne l'est pas. يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه ويجب الوفاء به لحديث عائشة السابق من نذر أن يطيع الله فليطيعه. Le vœu est valide et il est contracté lorsque c'est une, lorsque la chose que tu as vouée est quelque chose qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est alors obligatoire de l'accomplir. La preuve est le hadith de Aïcha qui était cité précédemment. Celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. وَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَلَكِنْ تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ. Et le vœu n'est pas contracté lorsque ce que tu as voué de faire est une désobéissance. Mais il est obligatoire de donner une expiation qui est l'expiation du serment. On déduit que donc l'expiation du vœu est la même que l'expiation de, du serment. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Selon عائشة رضي الله عنها, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: point de vœu dans la désobéissance et l'expiation, c'est-à-dire et son expiation, c'est-à-dire l'expiation du vœu est l'expiation du serment. L'expiation du vœu est l'expiation du serment. وَمَنْ نَذْرُ الْمُبَاحِ مِثْلُ أَنْ يَنْذُرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا أَوْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ فَلَا يَنْعَقِدْ وَلَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٍ وَلَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٍ. Quant au vœu d'une chose autorisée, comme de faire le vœu de faire, d'accomplir le pèlerinage en marchant ou de se mettre debout au soleil, ce vœu n'est pas contracté. Voilà yajibu bihi shay, et il n'y a pas d'expiation à faire. Et ici, l'auteur différencie entre le fait de faire le vœu de quelque chose qui est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et quelque chose qui est autorisé. Pour lui, quelque chose qui est autorisé, il y a deux choses. Premièrement, le vœu n'est pas contracté, et deuxièmement, il n'y a pas de kafara. Ça, c'est l'avis de l'auteur et de quelques savants. Et il ramène pour preuve à Nabi Hurayrata, قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر. فقال صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. حديث صحيح رواه مسلم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر، نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. حديث صحيح رواه البخاري. Selon Abu Hurayra رضي الله عنه, il dit أن le prophète صلى الله عليه وسلم a vu un homme âgé marcher entre ses deux fils. Il s'appuyait sur eux. Et le prophète Hassan m'a dit, qu'a-t-il? Ses deux enfants ont dit, ô envoyé d'Allah, il a un vœu, il a fait un vœu. Autrement dit, ce vieil homme a fait le vœu de faire, et c'était pendant le pèlerinage, de faire le pèlerinage en marchant. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit « Irkab ayyuha shaykh, monte sur la monture, ô toi, le vieil homme, fa inna allaha ghaniyun anka wa an nadhrik. Allah n'a nul besoin ni de toi, ni de ton vœu. » Hadith authentique apporté par Muslim. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, le prophète صلى الله عليه وسلم est passé à proximité d'un homme à la Mecque qui était debout au soleil. Le professeur Hassan m'a dit, Mahada, qu'est-ce que ceci? Ils ont dit, Il a fait le vœu de jeûner, de ne pas se mettre à l'ombre jusqu'à la nuit, de ne pas parler et de rester debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il parle, qu'il se mette à l'ombre, qu'il s'assied et qu'il termine son jeûne. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari. Et l'auteur a utilisé ces deux hadiths pour prouver qu'il n'y a pas de kafara. Car est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme, à ce vieil homme, monte sur la monture, Allah n'a nul besoin de toi et de ton vœu, et fais al-kafara? Non. Et dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il lui a dit, parle, mets-toi à l'ombre, assis-toi et termine ton jeûne. Est-ce qu'il lui a dit de faire al-kafara? L'auteur en a déduit que lorsque tu fais le vœu de faire quelque chose qui est autorisé, qu'il n'y a pas de kafara. Mais cet avis, Allah alam, n'est pas l'avis le plus sûr. C'est l'avis de quelques savants, mais la plupart des savants considèrent que lorsque tu fais un vœu et que tu ne peux pas faire ce que tu as voué de faire, tu dois faire al-kafara dans tous les cas. Et qu'on ne doit pas regarder ce hadith en particulier, mais on doit regarder l'ensemble des hadiths. Et l'ensemble des hadiths montre qu'il y a une kafara. Wa kaffir an yaminik. Et fais al-kafara sur ton serment. Et c'est ce qu'on retient de tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une version où il y a un hadith dans Sunan Abi Daoud où la sœur de Uqba ibn Amir radiallahu anha a fait le vœu de faire le hajj en marchant alors qu'elle ne pouvait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a dit à Uqba ibn Amir, ordonne à ta sœur de monter, c'est-à-dire de monter sur une monture, wal tahdi badana, et qu'elle donne une chamelle, qu'elle égorge une chamelle pour expier son vœu. Pour expier son vœu. Ensuite, cet homme qui est resté debout, au soleil, est-ce qu'il a fait quelque chose d'interdit ou quelque chose d'autorisé? Et ici, il a fait quoi? Il a fait le vœu de jeûner. De jeûner, c'est quelque chose de recommandé. De ne pas se mettre à l'ombre jusqu'à la nuit. Ici, est-ce que c'est autorisé ou pas? Non. Non, parce qu'il se fait du mal. Bien sûr, il se fait du mal. Le prophète sallam a dit la darara wa la dirar. Point de mal à soi-même et point de mal à autrui. Wa la yatakallam. Il a fait le vœu de ne pas parler. C'est interdit. Le prophète sallam a interdit de se taire toute une journée. Wa la yazalu qa'ima. Et également de rester debout. Là aussi, il y a ad-darar, le fait de rester debout toute une journée. C'est quelque chose qui porte atteinte et qui fait du mal à la personne. C'est pour cela que dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah la ghaniyun an ta'dibi hada nafsahu » Dans une version de ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'a pas besoin du fait que cet homme se fasse du mal à soi-même. » Se fasse du mal à soi-même. Et le professeur Asselem, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith au-dessus? La nazra fi ma'siyah. Point de vœu dans la désobéissance. Et celui et son expiation, c'est-à-dire du vœu, kafaratu al-yamin. Et son expiation, c'est l'expiation du serment. C'est l'expiation du serment. Et les savants qui ont dit que, ils ont utilisé d'autres hadiths, à la kulihal, la plupart des savants considèrent qu'il ne faut pas se focaliser sur ces deux hadiths uniquement, car, premièrement, il y a d'autres versions qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré comme cela comme un péché, Et d'autres hadiths où le prophète a ordonné la femme de Uqba ibn Amr, qui elle aussi avait fait le vœu de marcher, de faire le hajj en marchant, de monter la monture, mais d'expier en donnant, en égorgeant une chamelle, ou en donnant en aumône une chamelle. Et également parmi la preuve, kafaratul nadri, kafaratul yamin. Le hadith que l'auteur a cité par la suite, que l'expiation du nadr, du vœu, est l'expiation du serment. Donc, lorsque tu dois faire une expiation après un serment, pour les mêmes raisons, tu dois faire l'expiation pour le vœu, car l'expiation est la même. D'accord ? Donc, ils ont dit qu'il y a une analogie entre le vœu et le serment. Et c'est rajih, inshallah. Man nazara thumma ajiza anil wafa. Celui qui a fait le vœu, mais n'est pas dans la capacité d'accomplir son vœu. Man nazara ta'atan thumma ajiza anil wafa bima nazar fa'alayhi kaffaratu yamin. Celui qui a fait le vœu d'une obéissance, puis est incapable de l'accomplir ou d'accomplir son vœu, alors il doit donner l'expiation du serment. Selon Uqba, an Uqba ibn Amir, à Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, قال كفارة النذر كفارة اليمين. Hadith sahih, رواه مسلم والنسائي. Selon Uqba ibn Amir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'expiation du vœu est l'expiation du serment. L'expiation du vœu est l'expiation du serment. Avec les mêmes conditions, à savoir l'ordre. Soit de nourrir, soit de vêtir, soit de libérer, d'affranchir un esclave. Et si cela n'est pas possible, alors de jeûner 3 jours. Man nazara thumma mat, wa man nazara nazran, thumma mat qabla an yaqdiyahu qadahu anhu waliyuh. Celui qui a fait un vœu puis meurt. L'auteur dit, celui qui a fait le vœu, ou celui qui a fait un vœu, puis meurt avant d'avoir accompli ce vœu, alors doit l'accomplir pour lui son waliyuh, son tuteur, ou celui qui le représente. Ali ibn Abbas, annahu qala istafta Sa'd ibn Ubadah, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضه عنها فقضه عنها متفق عليه. سمع عبد الله بن عباس دي سعد بن عبادة a posé la question au prophète صلى الله عليه وسلم vis-à-vis de ou concernant le vœu qu'avait fait sa mère, c'est-à-dire la mère de سعد بن عبادة, et laquelle est décédée avant d'avoir accompli ce vœu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faqdihi anha » « Fais-le pour elle, accomplis ce vœu pour elle » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et là, il y a une divergence des savants, à savoir, est-ce qu'il doit accomplir ce vœu pour elle avant qu'elle n'ait eu la possibilité de le faire ou pas. Certains savants ont dit qu'il doit l'accomplir pour elle si il y a eu un moment où elle avait pu accomplir ce vœu sans l'avoir fait. Et d'autres savants ont dit non, peu importe qu'elle ait pu le faire ou qu'elle n'ait pas pu le faire, à partir du moment où le vœu a été contracté, alors, il doit l'accomplir pour elle. Vous avez compris ou pas? Ça ressemble un petit peu à Mas'alat al-Siyam, sauf que là, les savants disent que à partir du moment où elle a contracté le vœu, elle a fait le vœu de le faire, et c'est là où il y a la divergence. Parce qu'elle a contracté quelque chose, donc c'est quelque chose qui lui est obligatoire. Pas de questions sur ce chapitre ? Non. Si le tuteur, il ne peut pas l'accomplir, le vœu, il fait une kafara. Non. Et celui qui veut pas, celui qui ne peut pas faire le kafara, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui ne peut pas jeûner 3 jours. Non? Tawba de quoi? Celui qui ne peut pas faire, qui ne peut ni nourrir 10 pauvres, ni les vêtir, ni affranchir d'esclaves, ni jeûner 3 jours, saqatat anhu al-kafara. Al-kafara est, il est exempt de d'expiation. Car Allah n'impose pas à une âme au-dessus de ses capacités. Non. La différence entre le souhait et la vocation. Non. Le souhait et l'invocation, ouais. C'est-à-dire non, le fait de le vœu et l'invocation. La vocation, c'est tu demandes à Allah quelque chose. Oh Allah, accorde-moi telle et telle chose. D'accord. Le vœu, comme on l'a défini, c'est le fait de s'ordonner quelque chose qui à la base ne l'est pas. De se rendre obligatoire quelque chose qui à la base ne l'est pas. T'as compris? Un exemple, je fais le vœu de jeûner 3 jours. Je fais le vœu de jeûner, par exemple, 3 lundis de suite. Le fait de jeûner le lundi, c'est quoi? C'est obligatoire ou c'est surrogatoire? Surrogatoire. Mais le fait de te le rendre, toi, obligatoire, ça s'appelle un vœu. Tu fais le vœu auprès d'Allah de jeûner 3 lundis d'affilée. Ces 3 lundis d'affilée, leur jeûne, à la base, n'est pas obligatoire, mais toi, tu te les rendu obligatoires. Donc, ils sont devenus obligatoires pour toi. Et si tu ne les fais pas, tu dois faire une expiation. Et la dua, c'est de demander à Allah. Par exemple, oh Allah, facilite-moi le jeûne du lundi. Oh Allah, fais en sorte que je jeûne tous les lundis et tous les jeudis. Et là, tu demandes à Allah Azzawajal de te faciliter une chose. Mais si tu ne le fais pas, est-ce que tu as un kafara à faire? Non. Car c'est une demande que tu fais et ce n'est pas quelque chose que tu t'imposes à toi-même. Non. Je vais répéter l'auteur du dictionnaire. Ar-Raghib. Ar-Raghib al-Asbahani. Ar-Raghib al-Asbahani, dans son livre Mufradat Gharib al-Qur'an. Plus de questions? On a terminé Kitab al-Nuzur, inshallah, le prochain cours, on commencera le livre de Al-At'ima, le livre des nourritures. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, car je serai en voyage à Tadir. Donc, inshallah, les cours reprendront le dimanche 15 juin, bi'idhnillah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.